auditeurs de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce lundi 12 septembre. Je suis Lia, je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son, tu l'as bien compris, ça me fait très très plaisir. Car voilà quelques semaines maintenant que je n'avais pas repris le micro, mais ça y est, c'est la reprise. Je commence cette émission avec cette phrase que je n'ai pas choisie au hasard, bien évidemment. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Il est donc temps d'accueillir mon invité, Zoritza. Bonjour. Bonjour. J'ai pas été jusqu'au nom de famille. Vucic, Zoritza Vucic. Comment ça va? Bah écoute, très très bien. Eh ben très, c'est très super. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui dans nos studios avec moi. C'est un plaisir. Voilà. Vous êtes, on se tutoie? On peut. Allez, c'est on se tutoie. Là, j'ai entendu un tutoiement partir. Je sais, mais voilà, c'est instinctif, c'est bien. On est en direct, hein, voilà. C'est complètement libre. Donc, tu es coach en image de soi au sein de ton entreprise A to Z. Je sais pas comment on le Alors, dit. Alors, A to Z. A to Z, ok. Z. Situé à Épinal. Oui. Ok, depuis quand? Alors, ça fait, début 2020. Hein, donc voilà, on va dire 2 ans hors taxe sans le Covid. Ok. À peu près, voilà. Est-ce que ça a été compliqué cette phase de Covid? Est-ce que ça a permis de réfléchir sur justement ce qu'on allait proposer d'autre? Je sais pas. Ah ben ça, pour moi, ça a été vraiment avec le recul, une opportunité finalement de revoir mon positionnement, de revoir un peu les prestations que je proposais, puisque moi je partais principalement sur du présentiel avec de la formation, avec des ateliers, et en fait, au bout de 3 mois, on me dit non, on arrête le présentiel. Donc finalement, j'ai tout revisité et tout repensé pour passer en distanciel, et toutes les formations, voilà, tous les programmes de formation étaient repenser dans ce sens. Donc j'irai une opportunité de se réinventer. Voilà, c'est super. Voilà. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'à chaque fois que je te lance un mot comme ça, tu me le tournes positivement. On voit bien de quoi on parle aujourd'hui, et ça, ça fait plaisir. Voilà, il y a du soleil, on est bien accompagné, tout va bien, je suis très contente. Avant de s'élancer dans ce passionnant sujet, si tu devais te présenter avec tes propres mots, ça donnerait quoi? Écoute, moi je vais me présenter par mon poste, hein, ma fonction. Donc je suis consultante en communication et image professionnelle, et j'accompagne les individus et les équipes à gagner en confiance dans leur posture, à gagner en confiance dans leur communication, à savoir qui ils sont, et finalement créer la vie qui les inspire, hein, comme on disait. Ça peut paraître un petit peu utopique. Oui, utopique. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Et j'ai 3 mots qui pourraient illustrer effectivement mon activité, dont un qui fait écho avec les valeurs de la radio, hein, puisque c'est la liberté d'indépendance, hein, que prône effectivement cette belle station. Tout à fait. Moi, mes 3 valeurs, c'est conscience, croissance et liberté. Ben c'est beau ça. Voilà, parce que j'accompagne les personnes dans cette prise de conscience de leur fonctionnement, de ce qui sous-tend leur prise de décision. Alors leur fonctionnement mécanique, physiologique, hein, puisque je parle de gestion des émotions, on va parler de communication, on va parler aussi de programmation neurolinguistique, hein, puisque je suis formée également en PNL. Oui, c'est génial ça. Donc ça permet de comprendre un petit peu comment on fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on base, sur quoi est-ce qu'on base nos choix, de manière à ensuite pouvoir mettre en place des outils de croissance pour définir vers quoi j'ai envie d'aller. Peut-être donc outils de croissance, ça peut être décider de se former, décider de changer de métier, décider de se réorienter, décider de créer une autre vie ailleurs avec quelqu'un d'autre, peu importe, pour atteindre enfin cette liberté. Alors la liberté, effectivement, la liberté, la plupart des personnes me la définissent comme pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans contrainte de personne. Ok, c'est une dimension, la liberté, mais on reste sur l'axe du faire avoir. Et cet axe-là est incomplet. En fait, la liberté, elle comprend également l'axe de l'être. Mm-hmm. Et cet axe de l'être, qui va avoir cette dimension du bien-être ou du mal-être, c'est savoir qui je veux être. Et réussir à être qui je veux être, pour ne plus avoir peur de se faire avoir. On dépasse sa zone de confort quand on va vers quelqu'un comme toi. On l'étend. On l'étend. On étend sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on apprend que derrière la zone de confort, ce qu'on appelle cette zone de confort qui est très souvent inconfortable et limitante, il y a une zone de peur et c'est cette zone qui va nous empêcher parfois de faire le pas, le petit pas, le premier pas, qui va me permettre ensuite d'atteindre cette zone qui est derrière, voilà, qui est la zone d'apprentissage et ensuite la zone de bonheur. Est-ce qu'on prend conscience de ces croyances limitatives ? Complètement. Complètement, parce qu'on travaille là-dessus. Petite vulgariser ce que je viens de dire, peut-être. Alors, croyances limitantes. Ben, on revient, on va reparler effectivement de ce que je disais tout à l'heure, la programmation. C'est-à-dire que nous sommes tous issus, d'une programmation. On reçoit ça on arrive au monde, on arrive dans une famille, dans une culture, dans un environnement qui va nous apprendre. Voilà, on va apprendre tous les codes, pour rester en vie dans cet environnement. Mmh. Donc le petit enfant va apprendre de ses parents avant même qu'il sache parler. Il va intégrer des codes, pour avoir la sécurité, pour avoir à manger, etc. Je vais me comporter de telle ou telle manière pour que les choses se passent bien avec papa et maman. Je vais me comporter de telle ou telle manière. Donc c'est une programmation que l'on reçoit qui n'est pas choisi, on est bien d'accord, puisque jusqu'à l'âge de 7 ans, il y a l'éducation qui est là. Et quand on arrive à l'âge adulte, c'est ce que j'aime à dire, c'est de notre responsabilité de faire notre mise à jour, à l'instar du PC qu'on achète tout neuf, sans système d'exploitation, sans logiciel, sans rien. On est pareil, on arrive au monde, on n'a rien, on nous installe certains programmes et on ne choisit pas ces programmes-là. En revanche, quand on a un état de conscience à l'âge adulte, c'est à nous de faire notre mise à jour. En quoi ça consiste ? Tout simplement, à un moment donné, de se poser, de se dire, ok, est-ce que ce que je vis, ça me convient ? Qu'est-ce que je vis déjà ? Voilà, à quoi ça répond ? Quel sens ça a pour moi ? Ce sens que je vais donner à ma vie et qui va nous permettre finalement d'être acteur de notre vie et non pas une victime qui va simplement baser ses choix sur ce qui lui est permis de faire comme choix et finalement d'être la résultante du choix de quelqu'un d'autre. On va travailler pour le rêve de quelqu'un en étant salarié, et c'est de se poser la question, ok, mais quel sens ça a pour moi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et de construire sa vie avec des croyances qui nous aident, des croyances aidantes, et remplacer ces croyances limitantes par des croyances aidantes. Okay. Et donc tout ça, on le définit ensemble, et de retrouver du sens, comme on dit, pour créer la vie qui vous inspire, c'est ça. On passe de spectateur à acteur de sa propre vie. Complètement. C'est quand même incroyable. C'est magnifique. Mais bien sûr, cette mise à jour, quand est-ce que ça se fait le déclic pour les gens qui viennent te voir ? À quel moment on se dit, j'ai envie d'avancer plus loin ? Quand l'inconfort devient un peu extrême. Insupportable. Voilà, insupportable. Il y a une très belle phrase que j'aime, c'est le jour où finalement le cocon dans lequel je suis devient tellement insupportable, j'ose éclore. J'ose sortir et j'ose aller. Parce que la peur d'éclore est beaucoup moins importante que la douleur de rester dans ce cocon. Voilà. J'avais lu aussi quelque chose qui disait que avant une grande évolution, il y avait une période qui pouvait être très inconfortable, mais que c'était peut-être les prémices justement de cette belle évolution. Ça correspond un petit peu à ce que tu dis. Quand on prend le choix de se débarrasser de cet inconfort et d'aller plus loin. Tout à fait. C'est beau. Alors, et cette phrase du philosophe Sénèque que j'ai reprise au tout début de mon émission, donc qui sort de ton site internet, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi ? En fait, c'est ça fait vraiment écho avec cette programmation, dans laquelle nous sommes tous. Il n'y a pas de jugement quand je dis ça. C'est juste un constat. Faire un état des lieux. C'est quand tu auras désappris, à te conformer finalement à tout ça. Je t'apprendrai à vouloir autre chose. Et le vouloir, ça sous-entend vraiment une dimension de conscience. Vouloir, c'est un choix. C'est savoir vers quoi j'ai envie d'aller. C'est pas simplement dire, je suis là et c'est comme ça et j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Même de ne rien faire, c'est un choix. C'est vrai. Et c'est pas facile de conscientiser les choses. J'imagine que c'est un grand chemin vers tout ça, de devenir conscient de sa vie, de ce qu'on vit, et puis ensuite de ce que l'on veut vivre, peut-être. On va en parler tout au long de cette émission. On va s'accorder un petit moment musique avec un disque chouchou que j'ai spécialement préparé pour aujourd'hui. Il s'agit de Foria. Alors, c'est un moment détente, hein, chez toi. Tu peux t'allonger sur ton sofa, ou alors tu peux pencher la tête vers ta fenêtre pour regarder nos belles montagnes et ce ciel très très bleu. C'est le moment voilà, chill de l'émission. Thank you. Voilà pour le petit moment en musique. Est-ce que ça t'a plu? Oh, j'ai adoré. Ah oui, c'est vraiment... je suis partie aussi. Je sais pas où. Hypnotique, ce son. J'espère qu'à la maison, vous avez apprécié aussi. Vous pouvez nous écouter en plus du 107FM et bien depuis notre site internet et sur les applications comme Radio Line ou Orange Radio. Bienvenue à tous si vous venez d'arriver ici sur Radio Guémozo. Zoritza, quand est-ce que tu es tombée dans la grande marmite du développement personnel? J'y suis tombée, je dirais, il y a bien 4-5 ans. Ouais. 4-5 ans, et c'est vrai que c'était pareil, à l'occasion un peu de d'un moment de transition de vie, comme on le rencontre souvent, voilà, des grosses remises en question sur ma vie pro, perso, tout quoi. Oui. l'âge peut-être l'âge faisant, je ne sais pas, mais c'était une recherche vraiment personnelle dans un premier temps, de me dire est-ce qu'il y a des clés pour se sentir mieux, pour se détacher peut-être de certaines angoisses, de certaines anxiétés. Et donc au détour de quelques recherches sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo qui commençait à parler de transformer votre vie en 30 jours. J'ai dit c'est possible, voyons voir. Et j'ai écouté. C'est vrai que les 30 jours, je les ai écoutés dans la journée. Ah oui. Et ça m'a bluffé. Voilà, c'est vrai que c'était et petit à petit, j'ai commencé à aller chercher des outils pour me sentir bien dans la manière de communiquer, aussi la manière de comprendre l'autre aussi. Et je me suis formée, la première formation c'était en PNL, en programmation neurolinguistique, justement en 2018. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est la PNL? Ah oui, alors la brièvement, PNL... Brièvement, ça va être compliqué peut-être. Mais... Oui, voilà, en trois mots. Donc programmation, parce que nous sommes issus de d'une programmation que l'on choisit, qu'on ne choisit pas, comme je disais. Mm-hmm. D'apprendre aussi qu'on a des systèmes neurologiques qui font que le système fonctionne comme ça, et la base c'est d'apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir s'en servir au mieux. Et linguistique, c'est comprendre l'impact et le pouvoir des mots dans notre état d'esprit et dans les résultats qu'on peut avoir effectivement avec les personnes avec qui on communique. Ok. Donc c'était très très puissant effectivement. Et oui, donc tu as commencé par la PNL, ensuite comment ça s'est passé? Alors ensuite, j'ai assez chamboulé quand même, puisque quand j'ai commencé à faire ma formation de PNL, au retour du premier stage de 3 jours, j'avais juste envie de tout envoyer balader. Oui. Parce que je me suis dit, mais je ne vis pas la vie dont j'ai envie, et je me suis enfermée. Mais c'est ok, je reprends ma responsabilité. Je peux pas en vouloir aux autres ou quoi que ce soit. Mais ça a été des choix successifs qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans une vie qui ne me correspondait pas. Je me sentais pas à l'aise. C'est comme si je vivais à côté de ma vie. J'avais un compagnon, j'avais mes enfants, j'avais un boulot stable et tout, un confort de vie impeccable. Donc, quelque part, je me disais, mais de quoi tu te plains? T'as pas le droit de te plaindre. Et on en revient un petit peu à ce que je partageais tout à l'heure avec les deux axes. J'avais beaucoup, matériellement, c'était ok. Je faisais pas mal de choses, j'étais bien occupée. Mais l'axe de l'être, il n'était absolument pas nourri. Et quand j'ai pris conscience que c'était possible de le nourrir, j'ai été aussi découvrir l'analyse transactionnelle, j'ai été aussi découvrir tous ces outils de connaissance de comment on communique finalement avec les autres, toute cette communication interpersonnelle, mais également intrapersonnelle. C'est comment je communique avec moi-même. Quelles sont mes pensées et qu'est-ce qu'elles génèrent et d'où est-ce qu'elles viennent et est-ce que je les ai choisies. Toujours pareil, pour finalement choisir le résultat que j'ai envie d'avoir. On apprend à se décrypter, quoi. Complètement, complètement. Okay. Et c'est le mode d'emploi que l'on n'a jamais eu. T'achètes ton smartphone ou n'importe quel appareil, il y a un mode d'emploi, une notice où on nous explique le téléphone, tu l'allumes comme ci, tu l'allumes comme ça, et nous, on ne sait pas comment on fonctionne. Mais malgré tout, on en arrive à des situations qui sont complètement absurdes, dans le sens où on va s'en vouloir de fonctionner d'une certaine manière. C'est comme si j'en voulais à mon téléphone de sonner... Quand on t'appelle. Quand on m'appelle. non, écoute. Mais c'est ça qui est beau, qu'on n'ait pas le mode d'emploi, justement. C'est ce mystère autour de nous qui fait que... En plus, il y aurait beaucoup de modes d'emploi, parce que je pense qu'on est tous uniques. Donc, on a tous notre façon à nous de voir les choses, de s'exprimer, de vivre. Oui. Voilà. Alors quand je parle de mode d'emploi, c'est plus le mode d'emploi fonctionnel, c'est-à-dire comment, mais ne serait-ce que les émotions, par exemple, comment ça fonctionne. Voilà, il y a un mécanisme qui est là, et après, c'est à moi effectivement d'optimiser et d'utiliser ce mécanisme, et non plus de le subir. Mmh. Et la communication, c'est pareil. Il y a des interactions qui se passent, il y a des enjeux, il y a des choses qui sont visibles, des choses qui sont un petit peu plus sous-jacentes. Et quand j'arrive à comprendre tout ça, eh ben, je deviens effectivement acteur et non plus victime de tout ce système que je ne maîtrise pas. Mais c'est dur d'être dans la compréhension en plus. Hein, quand on ne comprend pas ce qui nous entoure, le langage de l'autre, on a tendance à se sentir pas très bien et du coup peut-être à se défendre, et, peu importe la façon dont on aura de réagir à ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce qui est important, c'est de comprendre en fait que ce que l'autre m'envoie, quelque part, je pourrais en avoir de la gratitude. Hein, quand des fois on se dit, je me sens en colère et donc j'en veux à l'autre de me mettre en colère. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, si je me mets en colère, y a un facteur déclencheur, effectivement, c'est telle personne, parce qu'elle a eu tel mot ou telle attitude, et quelque part, elle m'indique simplement qu'à l'intérieur de moi, cette colère, elle m'indique qu'il y a quelque chose encore à régler, quelque chose que je sens injuste, hein, donc comprendre le message des émotions, et comprendre aussi quel est le besoin qui est à nourrir. Et c'est là où je me pose les bonnes questions pour pouvoir progresser, pour pouvoir m'améliorer et dépasser tout ça. Tu vois, c'est sortir vraiment de cette dépendance, de cet enfermement qu'on peut-être vivre, parce que je comprends pas et je pense que c'est la bonne manière. Voilà, tout le temps rester dans cet état de frustration ou d'insatisfaction qui va peut-être aller jusqu'à l'agressivité, voire la destruction, l'autodestruction dans certains comportements. Et donc c'est là-dessus où je travaille aussi avec les personnes, sur utiliser finalement le comportement comme un indicateur de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur vraiment, et d'aller chercher effectivement le message que ça m'indique. Quel est le besoin qui est à nourrir derrière tout ça. On dit que l'autre est le miroir de soi-même, hein, que ce qui déclenche en nous, c'est ce qui existe en nous déjà. C'est ça. Une fois qu'on a compris ce genre de choses, c'est vrai que on peut creuser et aller plus loin. Combien de temps ça t'a pris de te former à toutes ces techniques là? Écoute, 2018, donc c'était la PNL. 2019, fin 2018 aussi, je me suis formée au conseil en image. Oui. Je suis conseillère en communication et image. 2019, je me suis formée au coaching professionnel. Donc là, pareil, ça a été une année très très forte. L'année dernière, j'ai passé une deuxième certification en coaching professionnel niveau RNCP, donc avec une posture coach professionnel et formateur. Donc voilà, pour pouvoir monter des programmes de formation spécifiques et travailler avec des organismes en insertion professionnelle, notamment, hein, sur cette posture professionnelle. Donc je dirais ça m'a pris je vais pas dire un an à chaque fois, mais entre le temps de préparation, le temps d'assimilation et après la mise en œuvre, et ça ne s'arrête jamais. Là, je continue toujours, hein, je me forme toujours sur des nouvelles approches, des nouvelles techniques. C'est chouette. Donc c'est à travers ta propre expérience en fait où tu t'es dit que tu avais envie de transmettre des clés aux autres. C'est ça. C'est vraiment de prendre conscience que ce qui m'a servi à moi, à transformer ma vie quelque part, puisque c'est possible, hein, oui. Ce qui me semblait un petit peu utopique au début, je l'ai vécu, et de vouloir finalement partager cette joie, parce que la joie, c'est le message, hein, de cette émotion, c'est que voilà, je suis sur mon chemin, et le besoin en fait d'action qui est derrière cette émotion là, c'est le besoin de partager. Donc je partage, voilà, je partage tous ces outils et je m'enrichis d'autant plus avec toutes ces rencontres. Ah ben j'imagine, oui. J'adore. Alors j'ai lu le terme holistique. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, holistique, c'est l'entièreté. Voilà, c'est vraiment le tout. C'est accompagner la personne de manière holistique, dans le sens où que ce soit dans sa psychologie, que ce soit dans les comportements, que ce soit dans la compréhension de ses émotions, mais également dans la partie apparence, hein, quelle image je vais renvoyer de moi, comment est-ce que je maîtrise cette image que je donne aux autres, de manière à ce que je sois perçue, je dirais, de la bonne manière, tant dans ma personnalité que dans mes compétences, hein, parce que je travaille beaucoup avec donc les organismes d'insertion professionnelle. Donc, oui. Comment je me prépare effectivement à avoir la bonne attitude face à des recruteurs et comment je peux montrer le meilleur de moi rapidement. Donc c'est vraiment ce système, cette entièreté de la personne que j'aime aussi retransposer dans le système de la personne. Hein, c'est remettre l'humain au cœur du système. Que ce soit l'entreprise ou de sa vie, et de se resituer vraiment d'une manière qui nous soit, qui soit juste pour soi. Pour soi-même. Voilà. Pourquoi la première impression que l'on fait, elle est aussi importante? Ah, parce qu'il y a quelques biais cognitifs, hein, qui sont derrière. Et effectivement, quand on voit quelqu'un pour la première fois, instinctivement, notre cerveau va capter des informations. Et il y a une règle, hein, qui avait été développée dans les années 60 par le professeur Mehrabian, c'est la règle des 3 V. Il y a, dans l'impact de la première impression, il y a effectivement près de, quoi, plus de 50%, hein, 55% de visuel. On va avoir 13% de verbal et de vocal, pardon. Oui. Et 7% de verbal. C'est-à-dire que le non-verbal représente 93% de l'impact que l'on peut avoir sur quelqu'un. C'est et incroyable. L'impression qu'on a de quelqu'un, la première impression, effectivement, elle va se faire sur, tu vois, tout simplement, des fois, tu vois passer un collègue, tu dis, t'as pas besoin qu'il te parle, tu dis, oh là, attends, ce matin, je lui parle pas. C'est pas le jour. D'où ça vient? Ça vient simplement de, voilà, t'as capté quelque chose dans son attitude, dans son regard, qui a fait que tu sais que c'est pas le moment où toi tu vas te sentir, pas forcément accueilli. Et travailler effectivement sur cette image, donc du visuel, c'est comprendre aussi, dans notre communication non verbale, l'impact du vêtement dans le style, dans la couleur, qui va aussi véhiculer un message important à l'interlocuteur. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est des ateliers que je prépare aussi. On va en parler. Oui, oui. Donc en fait, la façon dont on a de s'habiller, ça donne un message à l'autre. Oui. Oui, ça c'est incroyable ça. Voilà. On sait un petit peu que quand on s'habille sombre, ça peut peut-être dire qu'on n'est pas très à l'aise dans sa vie ou avec son corps, mais est-ce que tu as des exemples comme ça à nous donner sur Oui, alors c'est intéressant, voilà, je vais rebondir si tu veux bien sur le côté sombre. Effectivement, les couleurs, elles ont 3 dimensions. Et donc on a les couleurs, première dimension, la température, hein, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, qui vont véhiculer un message sur l'énergie qui est véhiculée. C'est-à-dire que les couleurs chaudes, on a plutôt tendance à avoir une dimension d'énergie dynamique, de joie de vivre, de joie de vivre et d'énergie. Oui. Hein, donc les couleurs chaudes, c'est le jaune, l'orange, toutes les couleurs qui vont comporter, hein, du jaune, certains vert printemps, voilà, un peu toutes ces couleurs très lumineuses. Et les couleurs froides, donc qui vont être plutôt porteuses d'un message de calme, de sérénité, voilà, d'apaisement, hein, de tranquillité, notamment le bleu, le gris, le noir, le blanc, bon, ce sont des couleurs froides. Et le bleu, c'est la couleur de la communication. C'est pour ça que t'as une veste bleue. Ben oui, j'adore le bleu. Génial. Voilà. Après, effectivement, il y a 2 autres dimensions, mais bon, ça serait un petit peu long de tout développer là. Mais c'est tellement intéressant. Mais les couleurs sombres indiquent, comme tu disais, on peut avoir des a priori. Hein, il y a des messages qui sont véhiculés dans l'inconscient collectif. Instinctivement, certaines couleurs vont envoyer un certain message. Mm-hmm. Et c'est à nous, en ayant conscience de tous ces messages-là, de construire notre image, de construire cette image en fonction du message que moi j'ai envie de véhiculer. D'accord. Voilà. Incroyable. On va s'accorder une nouvelle pause disque chouchou que je vous ai préparée spécialement pour aujourd'hui. Je pense que cette émission va passer à toute vitesse. Je pense que tu vas revenir très prochainement. On s'écoute tout de suite Ours sans plus pour Over et on se retrouve juste après. Sur Radio Guémozo, j'espère que vous passez tous un excellent moment avec nous. Je suis toujours ravie de t'avoir avec moi dans les locaux pour nous parler de toutes ces choses extraordinaires. Je pense que tu vas rester beaucoup plus longtemps que prévu. Tu reviendras. Mais en tout cas, incroyable. J'aime beaucoup ce que tu exprimes. Je pense qu'on devrait tous avoir quelqu'un près de nous pour nous expliquer toutes ces choses-là. Je sais pas, on pourrait pas nous apprendre ça à l'école, par exemple. Ah ben ça, j'en rêve. Moi, je voudrais créer une école de parents, tu vois. Ah ouais, ça serait bien ça. Voilà. Et une école de soi-même aussi pour apprendre à être soi, ça serait ça serait super. Alors tu proposes plein de choses hein, dans tes prestations. Il y a énormément de choses: bilan d'image, colorimétrie, bilan visagisme, coiffure, accessoires. Et est-ce que tu peux nous nommer tout ce que tu fais? À qui ça s'adresse tout ça? Oui, alors ça, cette partie-là, effectivement, c'est la partie conseil en image, qui s'adresse effectivement à des personnes qui ont envie de retrouver confiance en elles. Hein, oui. C'est vraiment ça, c'est vraiment de retrouver cette souveraineté, voilà, d'être soi, de savoir qui je suis et comment je peux le montrer à l'extérieur, et savoir finalement ce que mon vêtement, ce que mon ma tenue vestimentaire va exprimer de moi, et est-ce que je suis en accord avec ça? Voilà, savoir valoriser aussi sa silhouette, parce que des fois on a un peu des on peut être en souffrance peut-être avec son corps, avec l'image qu'on peut avoir de son corps, et de se dire mais je peux le valoriser. Hein, c'est certainement mon message, c'est tous les corps sont beaux, hein, ce qui va déformer le corps c'est un vêtement mal adapté, mal choisi. Oui. Voilà. Ça change tout quand même. Ça change comme tout. Comme propos. Voilà. Et donc voilà, cet accompagnement, c'est de se réapproprier son corps et de savoir comment valoriser, de mettre en valeur les atouts, parce qu'on a toujours des parties du corps qu'on aime, et d'accompagner les zones de gêne. Voilà, les zones qu'on aime un petit peu moins, mais en choisissant les bonnes formes, les bonnes matières, les bonnes couleurs, la silhouette, elle se retrouve valorisée. Et la personne, effectivement, se sent mieux, se sent confiance. Ça doit être chouette. Voilà. Ça doit être chouette. Et sur la partie, effectivement, coaching professionnel, donc là, on est plus sur une approche confiance en soi, réussir, tu vois, des thématiques qui reviennent souvent, c'est je voudrais réussir à me détacher du regard des autres. Voilà. Comment est-ce que je fais remplacer l'anxiété par la confiance. Voilà. C'est d'être plus serein. Finalement, dans sa prise de décision, que ce soit professionnel, définir un projet professionnel, définir une orientation, parce que j'accompagne aussi des jeunes, qui sont aussi dans ce choix, et de se dire, sur quoi repose cette orientation et à quoi elle répond vraiment au plus profond de moi. Mm-hmm. Donc, que ce soit des jeunes, dernièrement, j'avais 19-20 ans, parce qu'ils sont vraiment dans cette phase-là, mais également des adultes qui sont en phase de reconversion, qui sont dans cette, la période de Covid a eu beaucoup d'impact par rapport à ça, avec un fort questionnement du sens que la personne avait dans son activité, et elle se retrouvait plus. Elle a découvert effectivement que c'était bien d'avoir du temps à la maison avec les enfants et tout. Elle a découvert également que c'était compliqué d'être en communication avec un conjoint qu'on ne voit pas forcément tout le temps, et de retrouver un rythme et de retrouver des bases ensemble. C'est hyper compliqué, et c'est des choses qui se définissent, qui se posent et qui s'apprennent aussi. Et oui. Alors comment ça se passe, par exemple, des déroulés de séances? À partir du moment où on te contacte, on a envie de faire quelque chose avec toi, que tu nous accompagnes, ça se passe comment? Alors on va définir effectivement, moi j'ai deux programmes, j'ai ce que j'appelle un programme court et un programme un peu plus long, donc en fonction de la thématique, de la problématique de la personne. On va avoir un programme, donc une mission de coaching plutôt de performance, c'est-à-dire j'ai une problématique, une quelque chose qui me bloque dans mon évolution, donc on va choisir, est-ce que c'est plutôt 6 heures qu'on va passer ensemble ou est-ce qu'on va passer 12 heures ensemble. Donc vraiment l'objectif du coaching, c'est d'accompagner dans l'autonomie, vers l'autonomie, c'est pas je suis pas thérapeute, donc on va pas passer 2 ans ensemble, non, c'est une c'est ponctuel, et comme tu disais, je vais pas rester aux côtés de la personne longtemps. En revanche, je refais des petites piqûres de rappel. Voilà, j'ai un suivi, de mes accompagnements. Et donc une fois qu'on a défini l'objectif, donc il y a un contrat, donc qui est établi sur combien de temps on passe ensemble, comment ça va se passer. C'est des séances d'une heure et demie en général, et se passer d'une dizaine de jours. Pour la partie coaching. Le conseil en image, en revanche, en fonction des prestations qui vont être opportunes pour la personne, des fois effectivement il y a des personnes qui viennent me voir uniquement pour colorimétrie, morphologie, des personnes qui vont faire tout l'accompagnement jusqu'au shopping, puisqu'on fait visagisme aussi, conseil coiffure, définir la coiffure idéale, apprendre à se maquiller aussi, pour certaines femmes. J'ai eu des dames de 40, 50 50 ans, qui avait envie, voilà, suite à une rupture dans leur vie, transition de vie, de se réapproprier leur image et donc apprendre à se maquiller. Donc ça, c'est voilà une prestation aussi que je propose. Et on va aussi aller jusqu'au dressing, c'est-à-dire que je viens chez vous, voilà, pendant 2 heures, après avoir fait donc la colorimétrie, la morpho et le style, c'est de faire le dressing sur mesure. Hein, c'est optimiser le dressing, donc on fait du tri, voilà, dans ce qui ne convient plus, de manière à avoir dans son dressing que les vêtements qui vous valorisent et qui répondent à cette image, hein, qu'on a envie d'avoir. Et on finalise aussi par une session shopping, donc 2 heures en shopping ensemble, de manière à savoir rapidement, voilà, dans une boutique, se dire ben voilà de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut, et de faire le choix rapidement sans avoir même à essayer le vêtement. On voit tout de suite si c'est la bonne morpho, si c'est la bonne coupe ou pas. Voilà, si ça correspond à ce dont j'ai besoin. C'est chouette tout voilà. Ça. Ah, ça doit être du boulot quand tu vas chez les gens dans leur dressing pour faire du tri. Oui, alors il y a des consignes de préparation. Hein. Moi, je suis là 2 heures. Bon, on peut prolonger effectivement, mais pas trop. Et il y a une préparation, voilà, en amont que je, voilà, selon des consignes que je donne à mon client. Donc il y a pas de souci. Pour le suivi, tu dis que tu vois les personnes tous les 10 jours. Est-ce que pendant ce temps-là, tu leur transmet quelques clés qu'ils peuvent travailler peut-être chez eux, et puis voilà, pour la prochaine séance, est-ce que c'est un petit peu avancé là-dessus ou pas, et est-ce qu'il y a des exercices à la maison qu'on peut faire, je sais pas. Oui, bah j'ai plein, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup d'outils, je dirais, dans ma petite caisse à outils, et je le partage vraiment en fonction. C'est du sur-mesure, hein. Oui. C'est vraiment en fonction des besoins de la personne. C'est en fonction aussi de ce que la personne connaît déjà, hein, parce que voilà, il y a des choses qui vont être complémentaires. Oui. Donc effectivement, sur cet accompagnement en coaching professionnel, j'ai une posture de coach professionnel. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute. Donc dans cette posture-là, je suis dans un questionnement selon un protocole, voilà, bien établi, mais voilà, dans vraiment l'écoute active. Oui. Et en même temps, je peux aussi par moment avoir une posture d'enseignant, formateur. Donc présenter, effectivement, partager des outils sur la connaissance de la gestion des émotions, sur le message des émotions, sur la communication non violente, sur des outils comme l'énéagramme. Voilà, c'est oui. Quelque chose, voilà, la connaissance de soi par des outils assez puissants, et comprendre comment est-ce que la personne peut se resituer dans son potentiel, hein, comprendre tous les profils qu'elle a en elle, les qualités, les compulsions, et de se dire bah, ok, comment est-ce que je manage un peu tout ça. C'est savoir se manager soi pour avoir la meilleure attitude possible. Et effectivement, d'une séance à l'autre, je peux voilà, proposer à la personne de faire tel ou tel exercice parce que ça a été opportun par rapport à ce qu'elle a choisi et ce qu'elle a à travailler, effectivement. Super. Alors j'imagine que quand tu rencontres des gens qui viennent de peut-être traverser des événements un peu déstabilisants, qui sont dans une période de transition, ou des personnes qui sont en réinsertion, peut-être qui ont perdu confiance en elles, etc., il faut quand même avoir un certain regard, un certain recul. Comment tu te positionnes face à tout ça ? Alors moi, je me positionne avec beaucoup d'humilité et de bienveillance, parce que j'accueille effectivement la personne dans sa difficulté. Et c'est cette compréhension qui me permet d'avoir ce recul où je garde finalement cette clarté. Tu vois, je prends pas de choses personnellement, je vais pas même si voilà, j'ai de la compassion sur voilà la difficulté que la personne va avoir suivie, mais je vais pas tomber en fait dans le piège d'entretenir une posture de victimisation et de plainte. Mais c'est simplement l'accueillir là où elle en est, et l'accompagner pour prendre conscience. Parce que la première étape du changement, c'est la prise de conscience. Oui. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc l'accompagner dans cette prise de conscience et lui montrer vers quoi elle peut aller. Lui montrer ce qu'elle a en elle, et de se dire, ok, tu vois, tu as tous les outils en toi, maintenant je te montre comment les utiliser, et après tu seras autonome pour t'en servir. Mais c'est d'être incroyable de voir quelqu'un évoluer comme ça, que l'on accueille voilà, dans une période un peu compliquée, et qui s'envole tout à coup. Ah mais c'est merveilleux. C'est moi, j'adore effectivement à chaque fois assister, tu vois, à cette étincelle dans le regard de la personne qui, bon, ok, J'ai compris pourquoi ça fait 30 ans que je suis dans une situation qui ne me plaît pas, et de laquelle je peux sortir, parce que ça a été mon choix aussi d'accepter ça. d'une certaine manière, d'accepter. Alors pour X raisons, hein, parce qu'on a toujours les comportements que l'on a, si tu veux répondre toujours, il y a toujours une intelligence sous-jacente. Hein, donc si même le pire des comportements, il a son intelligence derrière. Il répond à quelque chose. Et quand on arrive à aller chercher ce quelque chose, bah là il se passe quelque chose de merveilleux, quoi. C'est la personne se sent comprise et non plus jugée. Donc à partir de là, elle peut s'ouvrir, elle peut déjà s'accueillir elle-même sans se juger, parce que le pire juge qui soit, c'est soi-même. Ça c'est sûr. Voilà. Donc faut apprendre l'indulgence avec soi-même, tout ça. Voilà, l'amour de soi. C'est vraiment ça. C'est de la première étape, c'est de se dire, ok, ben j'arrête de me critiquer. Hein. On se critique souvent. C'est voilà, je rate un truc. Oh non, mais attends, mais qu'est-ce que je suis nulle. Qu'est-ce que... Non, stop. C'est simplement de se dire. J'ai pas trouvé la bonne technique encore pour réussir. Je vais m'améliorer. Je vais faire mieux. La prochaine fois, je ferai mieux. Et c'est ok. C'est trouver peut-être un petit mot, voilà, qui peut nous parler avec beaucoup de douceur. Pour soi, voilà, simplement. On voit beaucoup aussi de choses passer sur le langage, ne pas dire j'ai échoué, mais je suis en train d'apprendre, etc. Transformer en fait ces paroles aussi envers soi-même, c'est important. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment de parler avec tu vois, le côté positif. Mmh. Effectivement, on a toujours tendance à se dire aussi des mots qui sont négatifs ou je vais te partager quelque chose qui m'est arrivé aussi dernièrement. C'était voilà, quelqu'un qui, avec beaucoup de bienveillance, me disait « t'inquiète pas ». Et le « t'inquiète pas », en fait, me gênait, parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Mmh. Donc le cerveau, tout ce qu'il entend, c'est « inquiétude ». Ah, oui. Donc la personne, quand elle me parlait, qu'elle me disait « t'inquiète pas », moi je recevais juste « inquiétude ». Inquiétude, inquiétude. Et en fait, en discutant, j'explique c'est quoi ton intention, finalement, quand tu me dis ça. Mon intention, c'est que tu te sentes bien, c'est que tu sois rassurée. Donc, je dis, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux dire pour que je me sente rassurée? C'est rassure-toi. Voilà. C'est vrai. Et le fait de dire à quelqu'un, rassure-toi. Voilà, je gère, ou rassure-toi, ça va bien se passer. Voilà, c'est vraiment être vigilant sur les mots qu'on emploie et la formulation, parce que là, c'est vraiment hyper puissant. Oui. Et le cerveau ne comprend pas la négation. Ça, donc, c'est important de le dire. C'est vraiment prendre conscience. Voilà, si je fais une phrase avec une négation, quel est le mot qui reste? Voilà. Et c'est un apprentissage de longue haleine, ça, hein, reprendre un petit peu toute notre façon de communiquer, tous ces mots que l'on emploie, de dire ah non, il faut que je la reformule autrement pour que le bon message passe pour moi et pour les autres. Et ça s'entretient. C'est ça. Ça s'apprend, parce que c'est vrai que la première étape, si on parle, donc je partage aussi la dynamique du changement à mes clients. Donc c'est comprendre qu'il y a 4 étapes dans le changement. Mm-hmm. T'as une première étape où tu es inconsciemment incompétent, donc tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tu sais pas qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Oui. Et une fois, voilà, à partir du moment où tu prends conscience de ton inconfort et que tu as envie de changer, parce que ça devient une question de survie quelque part, tu vas prendre conscience qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Donc tu deviens consciemment incompétent et tu décides de mettre en place des outils de croissance. Tu décides de te faire accompagner, tu décides d'aller te former, tu décides de découvrir des choses. Et une fois que tu as mis en place ces outils-là, tu vas te former, tu vas apprendre. Donc tu es dans la troisième étape où tu es consciemment compétent. Tu pratiques en étant attentif et vigilant. Donc au début tu vas dire des phrases qui sont pas celles que tu aurais dû dire, mais voilà, tu as la conscience, tu te reprends a posteriori. Et petit à petit, tu vas réussir à anticiper même et la pensée que tu ne veux plus avoir, ne trouvera même plus le chemin neuronal pour être activé. Donc petit à petit, tu désactives, tu vois, tous ces chemins neuronaux qui n'ont plus de sens pour toi. Et quatrième étape, je suis inconsciemment compétent, c'est-à-dire que je pratique, je sais, et j'y pense même plus. Voilà. C'est comme quand on conduit, quoi. Exactement. Ou quand on apprend une langue étrangère que l'on assimile totalement. Exactement. Voilà. Voilà. Alors, on va se lancer dans le troisième disque chouchou que j'ai préparé aujourd'hui. J'en étais sûre que cette émission allait passer à toute vitesse. J'avais encore une centaine de questions, mais c'est pas grave. On va écouter Niklas Pachourbe et on se retrouve juste après. Thank you. étions en pleine discussion, hein, parce que voilà, j'ai pas envie que cette émission se termine, donc je continue cette émission off pendant que je vous passe la musique. Non, je rigole. J'espère, auditeur, que tu es toujours très bien installé. On va se lancer dans les quelques minutes restantes. Voilà, ça a été bien trop court cette émission, mais peut-être qu'on te retrouvera prochainement. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Voilà, j'espère. J'espère. Du coup, tu collabores aussi avec d'autres spécialistes, des prestataires, des artisans, des commerçants. Tu as beaucoup de partenaires parce que voilà, tu as créé un réseau pour venir accompagner ce petit monde pleinement. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'aime cultiver l'intelligence collective. Ah oui, voilà, c'était ça. J'avais vu. Ça. C'est ça. Voilà. c'est de monter des projets. Voilà, des projets qui puisse apporter, gérer une réponse à un maximum de personnes et dans le laps de temps le plus court, hein, parce que c'est vraiment l'idée. Donc voilà, j'ai des idées de stage avec des professionnels du bien-être, j'ai des collaborations avec d'autres coachs, puisqu'on a, voilà, en tant que coach professionnel, on a chacun un peu notre spécialité, notre spécialisation, et donc le fait d'être à plusieurs comme ça permet aussi de construire des offres différenciantes, hein, des offres qui puissent répondre de manière sur mesure à des entreprises, hein, puisque je fais de la cohésion d'équipe, et donc effectivement toutes les équipes on vont avoir aussi des problématiques, les entreprises en fonction du secteur vont avoir des problématiques différentes, et d'avoir effectivement ce réseau m'a permis de construire une offre qui soit sur mesure. Ben voilà. Si on veut retrouver quelques informations de tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, on te retrouve sur un site internet, sur les réseaux, comment on fait ? Oui, alors j'ai une page Facebook, donc c'est A2Z Conseil Coaching. Le site internet, donc c'est www.a-to-z.fr. C'est là où je me dis que le nom de domaine, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. Parce que à l'énoncer, il n'est pas toujours facile. Mais bon, voilà. Donc, a2z.fr. J'ai une page Instagram également. Donc, pareil, a2z Conseil et Coaching. Ben voilà. Et voilà. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas te trouver. Voilà. Épinal. Et puis, on en parle. Ben voilà, c'est super. Si tu avais un grand rêve, là, comme ça serait quoi? Un grand rêve, je dirais qu'il y a un éveil de conscience vers l'amour inconditionnel. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Qu'est-ce que tu me souhaites pour la suite? Écoute, une concrétisation, voilà, de plein de projets qui sont en cours, voilà, dans de la formation, dans des beaux ateliers. Ah, voilà. C'est chouette, tu viendras nous en reparler. Avec grand plaisir. Ah bah voilà. Oui. Auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. Tu retrouves Gérard à 15h et la rediff des Connex de Drex avec La Pambèche à 18h. Surtout à ne pas manquer, hein. Gros bisous Drex si tu nous écoutes. En attendant, c'est comme tous les jours, bonheur, joie et puis rire à tous. Voilà.